16 piges. Déjà il commence mal, normal. Il sort, il rentre à n'importe quelle heure. Sa mère, il lui parle mal. Elle a qu'un salaire par mois. Sale monde, tu fais zerma. Tu gères mal, tu payes pour ta kerba. Tu restes avec le guetteur, puis tu deviens guetteur. Tu fais tes et tes heures, tu veux la place du charbonneur. Ah, y a la bac, les gyrophares, les bruits de moteur. Les portes qui claquent, y'a les comptes des gros doigts d'honneur. Direction la planque, passe par l'impasse. Planque les plaques, les papiers montent à l'appart. J'suis pas télépathe, méchant que toi et tes potes. Vous allez rendre des comptes et bientôt manger des pâtes. Comparution immédiate, Marco a pris 6 ans ferme. Il a plaidé non coupable. La vérité à rien ça sert, c'est amer et c'est la merde. Soir même on l'incarcère. Il arrive aux arrivants, une main derrière, une main devant. C'est l'hiver, Marco a froid, Marco a faim, Marco a vif, Marco a fente. Il touche le fond et pousse la fente, il a l'impression de perdre la foi. Et en ce qui concerne le parloir, à part sa mère, y'a plus personne qui vient le voir. Tu fais le voyou parce que t'es roliqué. Ils t'ont fait manger, t'ont fait profiter. Y'a plus de confiance, tu les as trop niqués. Préoccupé, tu sens qu'ils vont buter. T'as fait du fric, t'as pris du ferme, t'as pris 10 piges. Est-ce que tu piges? T'es en cellule en train de cogiter. En train de cogiter. En train de cogiter. Marco a 20 piges, il s'en est passé du temps depuis. Retrouve tous ses potes et se rend compte qu'ils ne s'entendent plus. Le hype ça fait gagner en crédibilité. Les grands veulent faire monter, croyant pouvoir gérer avec habilité. Petit à petit Marco grimpe, braquage et plus narcotique. En apparence tout a l'air bien mais tous les soirs marcotise. En soum soum il cotise, visage puissant qu'un gothique. Nicotine, il cogite, voit des copines, coquines. Le suce pour un peu de coco, la rose, le whisky, coca. Les schnitts le prennent en photo, il a pris le gun en otage. Personne ne voit que Marco est dingue parce que Marco est frais. Tout le monde te dit que Marco est craint parce que Marco est frais. Quand il se prépare quelque chose, dis-toi bien que Marco le sait. Quand il attrape un trait, dis-toi bien que Marco le saigne. Il devient impulsif, nerveux, ses pulsions le poursuivent. Ça nerveux qu'il arrête tout, mais c'est le moment, le patron s'affaiblit. Et Marco pète la dalle, et ouais, comme ça c'est dit, il va lui mettre sa balle. Marco, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'arrive là? Comment, qu'est-ce que je fais? Je sais pas, frère, c'est moi qui t'ai fait monter. T'en bats les couilles. Comment tu t'en bats les couilles? J'en ai marre de manger les miens, y'a rien de personnel côté. Tu fais voyou parce que t'es roliqué. Ils t'ont fait manger, t'ont fait profiter. Y'a plus de confiance, tu les as trop niqués. Préoccupé, tu sens qu'ils vont me buter. T'as fait du fric, t'as pris du ferme, t'as pris 10 piges. Est-ce que tu piges? T'es en cellule en train de cogiter. En train de cogiter. En train de cogiter. Marco a 30 piges dans la journée, consomme plus de 30 perces, il transpire, trop speed, transperce, trop de putes, trop de kilos, tranquille, drogue deal, trop de stupes, trop de pilons, trop de flûtes, trop de dilemmes. Cric cric bang depuis l'époque des Wu-Tang Clan. Marco est fou, déterre, il possède tout le terre-terre. Il se méfie même de lui-même, se réfugie chez l'imam. Et lui-même commence à le contaminer, commence à craindre son seigneur. Et là c'est bientôt terminé, il ressent bientôt c'est l'heure. C'est toi Marco? Tu te souviens moi, petit enculé là.